Ouais, get cool. Da solo. T'inquiète. Ouais, quel da soul. Ouais, je le veux. Dans mon sac ou dans mes poches, je le veux. À entasser dans le coffre de ma porte, je le veux. Qui tente C4, à braquer une prime s'il le faut. Tout plein de C4, attaquer sa speedmark. Des belles voitures, de location. Je veux être propriétaire, quitte à voler si j'en ai l'occasion. Je fais du troc à fond, et je croque à bon. Je porte la bombe, corps à fond, je la sors de mon gros caleçon. Je le veux pour plonger dedans comme Picsou. Tu me la prends, je vais dégager dedans, façon nique tout. Dire que t'as voulu te servir, 3 francs 6 août maintenant. Non, t'as le visage déformé quand tu ris ou j'ai investi des pièces. Tu vas pas me faire une horreur, je le veux en bien, en espèce, en beau porteur. Je le veux, alors je l'attrape tout ça consciemment jusqu'à ce que je trouve dans mon zen des ranouma en diamant. Mon démantèlement est impossible. Mentalement, je suis nocif, je fous boucan, c'est trop vif. Fais potiche, mes gosilles, les gotteries, démolir. Reste poli, je terrorise tes copines émotives. Faut le filon, pas de plan sur parchemin. Pour la maille, tu peux pas passer par 34 chemins. Hier c'était la crise, on verra demain. J'attends ce jour où c'est du champagne qui remplira le bain. Je le veux que je puisse en jeter par la fenêtre, que je puisse faire croquer la mif, accepter les traites. Je le veux à gogo, à ster, s'il faut le roro. Je compte pas son gros lot, encore moins son loto. Charbonne, alors où toi tu fais dodo. Poto c'est auto, je mets le zéo bien de mojo. Je le veux pour faire tourner les croupies comme des toupies. Assoupi, ta daronne accroupie, on va la rouille. Je le veux pour faire de l'enfer un paradis. Je le veux jusqu'à me payer les soins pour n'importe quelle maladie. Je te l'ai dit mon frère, je suis gravement irritable. T'en croiserai pas mes seuls dans un paradis fiscal. Je le veux pour m'arracher d'ici en jet privé. Pavaner, m'exhiber, me balader, VIP. Je le veux pour m'acheter un staff. Des meufs exotiques, des nordiques, érotiques. Et d'autres filles, des tropiques. Des sottises, tu racontes, explosives, hécatombes. Là après ce moment, tant qu'il y aura pas décroché sur mon compte. Je veux des lots, faut bien que je puisse marbrer ma tombe. Prévoir le ballon, faut bien que je puisse barrer 11-11. Tellement de cash que je puisse cantiner une salope, que je puisse dans la cage payer le maton à coup de calotte, que je puisse dans sa gorge et que sur sa femme je galope. Car dans la vie c'est dur faire avancer l'un de son carotte, tu piges. J'ai quoi d'autre à désirer à part des gros bifetons, des gros que j'ai mérité. Éviter les kistés, c'est vite fait. Méditer, m'exciter, agiter, t'éclipser, c'est risqué. Bref, t'as compris ce que je veux. Pour esquiver les problèmes, je fais ce que je peux. Faites les choses bien, je vous laisse à Tarpus. Et pour le bif, fais croquer si t'as une astuce. Ouais. Da solo. Tu connais les bails.